Lettre 47e. Continuation de la lettre d'Evelina. Holborn, 9 juin. Madame Duval s'est levée fort tard ce matin, et à peine avions-nous déjeuné à 1 heure lorsque Miss Branton, M. Smith et M. Dubois vinrent nous souhaiter le bonjour. Cet excès de politesse me surprit d'abord, mais je découvris bientôt le véritable sujet de leur visite. Miss Branton et M. Smith étaient curieux de connaître celui qui m'avait accosté la veille au Vauxhall. Ils assistèrent tous deux avec l'indiscrétion à laquelle ils m'ont déjà accoutumé. Madame Duval intervint d'un ton d'autorité et nous défendit à tous de parler de cet homme en sa présence. « C'est, disait-elle, un des plus mauvais garnements qui existe, un complice du capitaine Mirvan, qui s'entendait avec lui pour m'assassiner, quoique je ne lui ai jamais fait le moindre mal. » Au moment où Madame Duval achevait cette invective, la porte s'ouvrit et nous vîmes entrer Sir Clement Willoughby lui-même. Son apparition nous mit tous en confusion. On lui présenta une chaise et on s'assit presque sans le vouloir. Il adressa la parole à Madame Duval, en lui disant qu'il venait prendre ses ordres pour Howard Grove, où il comptait se rendre demain matin. Et sans attendre sa réponse, il se tourna vers moi et me demanda s'il serait assez heureux pour être chargé de quelques commissions de ma part pour la famille Mirvan. Je lui répondis que je ne lui donnerais point cette peine, puisque j'avais écrit par la poste d'hier à mes amis de Howard Grove. « Vous m'excuserez, reprit-il en revenant à Madame Duval, de ce que je ne vous ai pas rendu mes devoirs plus tôt, mais j'ai absolument ignoré que vous fussiez en ville. » Madame Duval n'avait pas ouvert la bouche jusqu'ici, mais il était aisé de voir qu'elle étouffait de colère. « Il faut l'avouer, s'écria-t-elle tout d'un coup, voilà une audace sans exemple. « Comment donc ? Répliqua l'intrépide Sir Clément. « Quelqu'un vous a-t-il offensé ?» Madame Duval sauta de sa chaise et nous nous levâmes tous. Sir Clément fit semblant de vouloir se retirer et insensiblement il engagea une nouvelle conversation. Le calme fut rétabli et nous reprîmes nos places. Il se plaignit de ce qu'il avait choisi pour sa course à Howard Grove le moment où nous étions absents. « Sans doute, interrompit Madame Duval, vous seriez charmé d'y retrouver quelqu'un qui puisse vous servir de plastron, mais vous ne m'y attraperez pas de sitôt. Soyez sûr qu'on aura recours à des juges de paix moins éloignés que M. Tyrell. » Sir Clément fit l'ignorant et protesta qu'il devait y avoir de la méprise puisqu'il ne comprenait rien à une imputation si contraire au respect qu'il portait à Madame Duval. « Vous voilà, continua-t-elle, devenu furieusement poli. Mais nous vous devinons. Vous voudriez gagner pied ici comme à Howard Grove? Il n'en sera rien, croyez-moi. » Les reproches de Madame Duval étaient mêlés de tant de grossièreté qu'elle réussit à réduire Sir Clément au silence. Son embarras influa singulièrement sur le reste de la compagnie, et tous ceux qui, le moment auparavant, semblaient interdits de respect pour sa présence, reprirent un air aisé et triomphant. Madame Duval, encouragée par un succès aussi complet, poursuivit sa pointe. L'aventure de la mascarade et de l'emprisonnement de M. Dubois fut rapportée fort en détail. Sir Clément assura, sur son honneur, que toute cette conversation était une énigme pour lui. « Ah, Sir Clément, est-ce à ce prix-là que vous mettez votre honneur ?» Cependant, sa situation empirait de moment en moment. Il se défendit mal et Madame Duval finit par l'accuser formellement d'avoir été l'un des hommes masqués qu'il avait si indignement traité. Elle le menaça de faire appeler sur le champ un commissaire. Les Branton et M. Smith ne gardaient plus le moindre ménagement. Ils partirent tous d'un éclat de rire. Sir Clément, par un geste imposant, les fit rentrer dans le devoir. Mais il crut pourtant que le plus sage serait de se retirer. Il s'approcha de moi, qui, pendant toute cette scène, était demeurée spectatrice indifférente, et après m'avoir demandé si je lui permettais du moins d'informer mes amis de Howard Grove qu'il m'avait laissé en bonne santé, il ajouta d'un ton de voix plus bas, « De grâce, ma chère Miss Anville, qui sont ces gens? Par quel hasard vous trouvez-vous dans de telles liaisons ?» Je lui répondis haut qu'il ne me restait qu'à le prier de présenter mes civilités à la famille Mirvan. Il s'en alla de très mauvaise humeur. Je suppose qu'il ne se pressera pas trop à répéter ses visites. Madame Duval se félicite beaucoup d'avoir tiré de son ennemi une vengeance aussi éclatante, et elle promet un traitement tout aussi humiliant au capitaine Mirvan à la première occasion. M. Smith est un peu inquiet de s'être moqué d'un baronnet, et il nous déclara qu'il aurait été plus circonspect s'il l'avait d'abord connu. Le jeune Branton regrette de ne pas lui avoir demandé sa pratique, et sa sœur nous assure qu'elle l'avait d'abord pris pour un homme de distinction. Tout cela est très fort dans le goût de mes personnages tels que je vous les ai dépeints.